France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Danse macabre, c'est le titre, en français dans le texte, que Stephen King choisit pour un essai paru pour la première fois aux États-Unis en 1981, dans lequel il analysait les ressorts du genre fantastique et d'horreur en littérature, au cinéma, à la radio et à la télévision. Nous nous réfugions dans des terreurs pour de faux afin d'éviter que les vrais ne nous terrassent, ne nous gèlent sur place et ne nous empêchent de mener notre vie quotidienne, expliquait-il dans cet ouvrage reparu récemment chez Albin Michel sous le titre « Anatomie de l'horreur ». En 1999, à l'occasion de la parution de son roman « Sac d'os », François Angelier consacrait une émission spéciale à celui dont l'écrivain américain Bret Easton Ellis dit qu'il restera dans l'histoire comme la seule pop star de la littérature américaine. Mauvais genre, Stephen King, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 septembre 1999. La part d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, troisième saison, le Rouge Émis, heureux de vous retrouver après 5 semaines de sevrage mental et de chasteté auditive pour désormais 58 minutes de vertige gothique et de troubles émois. Troubles et vertiges qui nous viendront ce soir de Nouvelle-Angleterre. En effet, chaque jour que Dieu fait, à Bangor, dans le Maine, aux USA, un robuste gaillard, après avoir chaussé ses lunettes à double foyer, enfilé sa salopette, mis ses baskets, petit déjeuner en famille et feuilleté le journal local, monte s'enfermer dans son bureau. Là, il ouvre son ordinateur et entame vaillamment sa journée de travail, sa profession de faire peur, humanité, jouer avec l'adrénaline du prochain. Son moyen, l'écriture, son nom, Stephen King. À 52 ans, avec 33 romans publiés, dont le dernier Sac d'os paraît chez Albin Michel, avec un lectorat planétaire évalué à 100 millions d'âmes, avec des marques sanglantes laissées sur tous les écrans, grands et petits, le numéro 1 mondial de la sueur froide labellisée et de l'angoisse en pack de 12 vaut beaucoup plus que cela. Spectateur engagé du chaudron américain, ce maître animateur des veillées nocturnes est avant tout un formidable conteur, dont acte ce soir dans Mauvais Genre. Alors que le tout Paris qui gratte et qui pétille danse la ronde joyeux autour de Henry Selby Jr., eh bien nous avons choisi, nous, gens de mauvais genre, de passer notre première soirée avec un grand conteur, avec Stephen King, à l'occasion, je le répète, de la sortie chez Albin Michel de Sac d'os. Alors pour évoquer Stephen King autour de cette table ce soir, Jean-Daniel Breck. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir François. Vous êtes traducteur, rappelons-le, de L'anatomie de l'horreur, un recueil, un essai de Stephen King consacré à la culture de l'effroi et à sa, justement cette technique d'écrivain, à sa conception de la littérature fantastique. Vous êtes également traducteur d'un des volumes de La Tour Sombre. Et puis surtout, vous êtes préfacier d'un collectif qui paraît aux éditions du Céphale, intitulé Stephen King Premières Approches, un collectif qui sera et qui est dirigé par Guy Astic. Bonsoir Guy Astic. Bonsoir François. Vous êtes, vous, universitaire et que co-rédacteur en chef, on va en parler, de la future revue Simulacre. Et kingien, on peut dire, un kingien orthodoxe. Orthodoxe et, oui. Et cathodique et catholique peut-être aussi. Présent également avec nous, Laurent Bourdier. Alors bonsoir. Laurent Bourdier, bonsoir. Vous êtes un élève de Jean Marigny, on peut le dire, puisque vous revendiquez son patronage en exergue de votre livre. Tout à fait. Hein, vous avez fait une thèse sur enfance et adolescence dans l'œuvre de Stephen King. Alors c'est un peu dommage ce soir que vous soyez avec nous pour Sac d'os, uniquement pour cette question, parce que c'est quand même un roman où ce thème privilégié de l'enfance et de l'adolescence chez King, eh bien, est un petit peu au second plan. Quoique. Quoique. Quoique l'importance de Kyra est là. On en parlera certainement de la petite fille. Et puis vous êtes avec nous surtout pour un livre qui paraît aux éditions, qui est paru aux éditions Ancrage, Stephen King, Parcours d'une œuvre. Sont également présents avec nous ce soir Martin-Pierre Baudry. Bonsoir Martin-Pierre. Bonsoir. Pour la réédition en 4 volumes des Contes de la crypte chez Albin Michel, les Contes de la crypte de Jack Davis, qu'a sûrement lu quand il était petit Stephen King. Et puis pour nous parler également de Perfect Blue, un manga qui est sur les écrans parisiens et français depuis mercredi. Présent également Jean-Baptiste Toré. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. On vous retrouvera régulièrement pour nous chroniquer l'actualité du cinéma, de la vidéo et du DVD. Puis vous êtes avec nous ce soir pour parler de Stanley Kubrick, qui, si les rumeurs sont exactes, a sorti un film. Voilà, oui. Qui est décédé voilà quelques mois. Et donc on va parler de Eyes Wide Shut, voilà. Que tout le monde à peu près connaît, à mon avis, sur une île déserte pendant 6 mois. Voilà. Nous parlerons également d'un autre film. Oui, Saga pour Sling, donc ouais. Le film vomi de la soirée. D'accord, eh bien. En attendant, donc parlons de Stephen King. Jean-Daniel, on parle de Stephen King un petit peu banalement parce qu'il sort un livre, donc on en parle. Mais enfin, on aurait pu en parler au cours de cette année bien des fois, notamment au moment de la tuerie de Littleton. Oui, au moment de la tuerie de Littleton, parce que quelques semaines plus tard, Stephen King a demandé à son éditeur de retirer de la vente un de ses romans qui s'appelle Rage, qui décrivait une journée en enfer vécue par un groupe de lycéens lorsque l'un d'entre eux pétait les plombs et commençait à tuer tout ce qui bouge. Alors Rage est un roman de jeunesse de King, qu'il a écrit quand il était étudiant ou encore lycéen, mais oui, lycéen oui, tardif. C'est le premier roman qu'il ait commencé d'écrire. Il s'est interrompu, puis il l'a achevé et il l'a fait publier initialement sous le pseudonyme de Richard Bachman. C'est un roman dont il a dit qu'il a été pour lui le moyen d'exorciser le désordre émotionnel que l'on ressent quand on est au lycée. Alors lui avait l'écriture, d'autres ont eu la poudre, c'était voilà. D'autres. Bon, on reparlera peut-être, j'espère, dans le fil de cette discussion, des relations entre littérature et réalité, telles que Stephen King les explore. Absolument, on en parlera dans quelques minutes, à propos justement de la responsabilité de l'écrivain dans la société, qui est un thème cher à King, puisqu'il a déclaré à propos de cette tuerie de Littleton, « c'est un coup qu'on m'a porté personnellement ». Donc effectivement, ils se sont concernés, non pas autant par ses livres que par ce que peuvent faire ses lecteurs. On aurait pu en parler également en juin, Jean-Daniel, au moment de la sortie d'Hannibal, le dernier roman de Thomas Harris, la suite de la geste sanglante d'Hannibal Lecter, le cannibale. Que nous avons déjà évoqué ensemble sur absolument. Cette antenne. Alors ça, c'est un roman qui vous a semblé génial. Vous êtes en cela d'accord avec King, qui est un fan de Thomas Harris depuis longtemps, puisque je crois que Laurent Bourdier, en 1983, Stephen King écrivait dans le Washington Post que Dragon Rouge était le meilleur roman populaire depuis Le Parrain. Oui, mais bon, enfin, je crois que c'est quelqu'un qui apprécie énormément, effectivement, tout ce qu'a fait Thomas Harris. Il est très bon camarade, Stephen King. Voilà, mais je fais énormément attention. Il y a souvent des phrases de lui dans les quatrièmes de couverture. Un chef-d'œuvre formidable, j'ai eu très peur. Il aime bien soutenir tout ce collègue. Tout à fait. On fait souvent appel à lui parce que son nom, forcément, dans la presse, veut dire quelque chose. Donc, pour certains nouveaux auteurs, quand Barker est sorti, Barker, heureusement, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a souvent fait appel à King, donc il faut peut-être modérer un peu ses propos. Mais je crois que malgré tout, c'est un vrai fan de Thomas Harris. Oui, il a écrit, là, notamment à propos donc, de cet Hannibal qui est en traduction et qui paraîtra chez Albin Michel, que c'était pour lui l'un des romans populaires les plus effrayants de notre époque. Une véritable décoction de sorcière avec œil de salamandre et cuissot de plouc. Une très longue et très terrifiante chevauchée dans le palais hanté des maladies mentales. Un roman d'horreur. Franc et massif. Et puis il dit également dans Sacdos, dont nous allons parler ce soir, à propos de Thomas Harris, que chez lui, les silences sont partie du personnage et de sa mystique. C'est un peu le cas de King aussi, Laurent Bourdier, oui, parce qu'il parle pas beaucoup. Je crois, oui. Mais il a besoin de ce retrait. Bon, on sera peut-être amené à en parler aussi, justement, de sa volonté très marquée de rester un petit peu en retrait de tout le. Enfin, ces grands coups médiatiques et. Parce voilà. Qu'il est à la fois omniprésent et totalement en retrait, totalement absent. Oui. Notoirement discret, comme on dit. Notoirement discret, ouais. Mais je crois qu'il sait se faire entendre aussi. On aurait pu parler de King le 11 août, le jour de l'éclipse, Laurent Bourdier, parce qu'effectivement, l'éclipse joue un rôle comme ressort dramatique dans certains romans de Stephen King. Alors, dans deux, en tout cas, que sont Jesse et Dolores Claiborne, qui sont liés, justement, par cette éclipse. Qui en gros a son plus gros retentissement sur l'île de Little Tall Island où vivent les protagonistes. Et en fait, le jour de l'éclipse, les deux protagonistes ont des rêves où viennent s'insérer la protagoniste de l'autre roman. C'est-à-dire que lorsque Dolores tue son mari et l'envoie au fond du puits à jamais, elle sent l'odeur. Il y a une odeur, l'odeur de mort qui remonte. Lui renvoie en même temps des images de la petite Jessie qui est en train de se faire violer par son père au même moment, au moment donc de cette éclipse. Bon, c'est en même temps, enfin, ce que je pense est la trilogie, que j'ai dû appeler la trilogie féminine avec Misery, hein, et où on a trois personnages féminins très très forts, alors qu'on avait beaucoup reproché à King, justement, de ne pas avoir su créer des personnages féminins forts jusque-là. Je crois que c'était une belle revanche, même si Jessie est peut-être un ton en dessous des deux romans précédemment cités. Voilà. Alors en 98 est paru La Tempête du siècle, qui n'est pas un roman mais un scénario très élaboré que King avait écrit, je crois, pour la télévision. Cette année, le millésime 99 s'appelle Sagdos. Alors vos réactions sur ce millésime 99? Mais je l'ai redécouvert parce qu'on en a discuté un petit peu avant l'émission. C'est vrai qu'il est paru l'an dernier aux États-Unis, il y a déjà un an, donc fait assez rare pour être signalé. 99 français, bien sûr. Voilà. Et je l'ai redécouvert, je l'ai relu tout dernièrement, et c'est vrai qu'on revoit, enfin, ça renvoie à plein de personnages, de lieux qu'il a déjà traités. Mais en même temps, je crois que Guy Astic parlait d'un roman de la maturité. Moi, j'adhère à fond là-dessus. Je crois que c'est vraiment un roman qui marque une étape. Guy Astic. Oui, roman de l'intensité aussi, surtout. Moi, ce qui me frappe, c'est que Sagdos 1999, Dead Zone 1979, La Part des Ténèbres 1989. Et il y a une filiation entre les trois qui est très intéressante au niveau, bon, du personnage principal, on le verra, qui subit une grande crise, mais aussi, surtout, dans cette façon de mettre en place des événements très forts, avec des apparitions très fortes, fantomatiques, mais aussi avec un arrière-plan humain très poussé. Et il y a une filiation sur ces 30 ans qui me semble très importante. Et la maturation, elle est là aussi. Sur Daniel Breck, le titre « Back of Bones » a été traduit par Sagdos. La traduction vous semble opérante? Parfaitement. On a demandé le point de vue à un autre traducteur, François Lasquin, donc, qui a traduit Cimetière, qui est en train de traduire le prochain roman à paraître en France de Stephen King. Donc, ce qu'il pensait de la traduction de Back of Bones par Sagdos. Alors, voilà un livre qui, pour moi, est un. Enfin, jamais j'aurais accepté de le faire, je peux le dire, hein, parce que à cause de sa longueur et son extrême difficulté, où il y a aussi des langages variés. Il y a des retours sur une époque ancienne aussi avec. Enfin, c'est très très difficile. Le titre lui-même posait un problème pratiquement insoluble qu'on n'a pas résolu du tout en le traduisant littéralement par Sagdos. Et pourquoi apparemment Bag of Bones en français littéralement ça veut dire Sagdos? Pourquoi est-ce que ça posait un problème? Ah, moi je n'ai pas de solution. Hein. C'est une double métaphore, c'est-à-dire que King part. Son personnage est un romancier qui a des difficultés à écrire et se pose des questions là-dessus. Et puis tout part d'une citation apparemment fausse et tronquée de Thomas Hardy, qui disait en gros qu'un personnage de roman qui n'est pas suffisamment travaillé, qui n'est pas suffisamment animé, n'est qu'un bag of bones, ce qui veut dire une carcasse vide. On ne peut pas traduire ça vraiment autrement. Et il joue avec ça, il construit des personnages et il montre qu'on peut construire des personnages à partir du vide, littéralement du vide, du vent. Il fait des fantômes, ce sont des fantômes de nuages, des fantômes d'eau. Il fait une démonstration avec ça. Puis à la fin, on retombe, c'est une intrigue extrêmement compliquée, et on retombe sur un objet qui est complètement central à l'histoire et qui est littéralement un sac d'ossements. Donc c'est le double sens. C'est intraduisible et on est de bon. Enfin, c'est assez. Ça donne une assez bonne image des problèmes que pose un auteur comme Stephen King. Jean-Daniel Breck. Oui, ben, je ne peux qu'abonder dans le sens de François Lasquin. En tant que traducteur, on est sans cesse confronté à ce genre de problème où on a une expression en anglais, puisque là, il est question d'un auteur qui écrit en anglais, qu'on est obligé de traduire au mieux en français. Et là, je pense qu'on ne pouvait pas traduire autrement que Sagdos, même si, comme le dit François Lasquin. C'est un pis-aller, mais bon, c'est le meilleur pis-aller. C'est vrai que Sagdos sert à définir dans ce roman plusieurs choses. C'est à la fois la citation de Thomas Hardy, je peux vous la donner. Comparé au plus banal des hommes qui marchent réellement sur la terre, ils projettent leur ombre. Le personnage de roman le plus réussi ne sera qu'un Sagdos. Mais c'est vraiment, effectivement, il y a le personnage dans sa tinuité et puis son vide de personnage romanesque. C'est également le vieillard Max Divor dont on va parler, qui n'est plus qu'un Sagdos. Et puis c'est ce squelette que l'on déterre. Donc oui. C'est la métaphore totale du roman. Voilà, c'est surtout, et on le voit, c'est très loin dans le roman, je crois que c'est dans les 50 ou 100 dernières pages à peu près, et c'est littéralement un sac d'os. Effectivement, il retrouve les ossements de Sarah Tidwell et de son fils, Et c'est un sac en plus en toile de jute, je crois. Alors, Laurent Bourdier, avant justement, après cette exégèse, bref, du titre par François Lascaux au micro, je le répète, de Jean-Yves Bocher, quelques précisions sur l'intrigue. Parce qu'effectivement, le roman fait 602 pages, l'intrigue est très touffue, elle met en scène un nombre impressionnant de personnages qui sont tous interconnectés. Alors, puisque vous avez résumé en quelques lignes, dans votre livre paru chez Ancrage, Sac d'os, renouvelez la performance pour nos auditeurs ce soir, à mauvais genre, Laurent Bourdier. Alors, Mike Noonan, c'est le protagoniste du roman. Et la première page est très très forte. J'espère qu'on sera amené à en reparler aussi. C'est une des meilleures entrées en matière qu'il ait jamais écrite, à mon avis. Donc, c'est un écrivain à succès. Son épouse décède de façon la plus brutale qui soit, par une rupture d'anévrisme. Et à partir de là, il a un blocage et devient incapable d'écrire quoi que ce soit. Il a des nausées lorsqu'il se met devant son ordinateur, lorsqu'il allume Word 6, je crois. Il me semble bien que c'est le logiciel qu'il utilise. Et donc, il va essayer, 4 ans durant, de chasser ses démons, de comprendre pourquoi son épouse, qui était enceinte, ne lui avait rien dit. Et va finalement décider d'aller passer quelque temps dans leur résidence secondaire, à Sarah Lofts, qui se trouve dans le Maine profond, essayer de retrouver, justement, de repartir sur la piste de son épouse et de comprendre un certain nombre de choses. Là, tout à fait par hasard, il tombe sur il vole au secours, d'une certaine façon, d'une petite fille dont la mère a perdu son mari quelque temps plus tôt. Et il s'avère que cette petite fille est la petite fille d'un homme richissime qui travaille pour des compagnies d'ordinateurs, qui fabrique des logiciels, je crois. Qui est un inventeur de brevets d'électronique. Voilà. Max Divor. Et qu'on découvre au fur et à mesure du roman être beaucoup plus que cela, en fait. Voilà. Et puis en essayant de comprendre pourquoi Joe, son épouse, s'était rendue à plusieurs reprises sans rien lui dire dans leur résidence secondaire, il découvre un certain nombre de choses et il va faire ressurgir un certain nombre de démons. Voilà. Alors on pourrait dire que c'est une histoire de King assez classique, dans le sens où elle met en scène un romancier. Donc qu'on a retrouvé dans de très nombreux romans. Mais je crois qu'il y a quelque chose en plus. C'est la première fois peut-être une des rares fois où il parle de l'amour, où il est romantique, très romantique en parlant d'amour. Se laisse aller. Ouais, complètement. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses, mais c'est résumé de façon très succincte cette intrigue qui n'en est pas une, en fait. Alors on va développer un petit peu cette analyse des Sacs d'os de Stephen King paru chez Albin Michel, le millésime 99 de King, en tout cas en France, au travers de 4 thèmes. Je vous propose donc de découvrir le premier thème qui sera justement, vous en parliez Laurent Bourdier, le personnage de l'écrivain et sa conception du rôle de l'écrivain chez Stephen King. You dirty bird. How could you? She can't be dead. Misery Chastain cannot be dead. Annie, in 1871, women often died in childbirth. But her spirit is the important thing, and Misery's spirit is still alive. I don't want her dead! I want her! And you murdered her! No, I didn't. Who did? No one. She died. She just slipped away. Slipped away? Slipped away? She didn't just slip away. You did it. Alors laissons le héros de Misery, James Caan, dans le film de Rob Reiner, en grande discussion avec sa lectrice, fort mécontente, c'est peu de le dire, de voir disparaître Misery Chastain, pour nous intéresser à la figure de l'écrivain chez King. Alors effectivement, il a cette particularité d'avoir souvent mis en scène des personnages d'écrivains. Oui, je crois que ça lui a permis, ou ça lui permet peut-être encore de comprendre exactement ce que représente l'art qu'il a fait connaître. Essayez aussi, mais on a passé un extrait de Misery qui est assez révélateur, mais l'espèce de d'emprise qu'il a sur un certain nombre de lecteurs. Et cela lui a toujours semblé à lui un petit peu fou que des gens puissent à tel point être idolâtrer quelqu'un, alors qu'il répète à qui veut bien l'entendre que son plaisir avant tout, c'est de prendre plaisir en écrivant et de donner du plaisir aux gens, mais sans pour autant qu'on fasse de lui une icône qu'il est devenu un peu malgré lui. Guy Astic, les personnages d'écrivains chez King sont des personnages souvent tragiques. On peut évoquer notamment dans La Part des Ténèbres cet écrivain qui est pourchassé, martyrisé par son double de plumes. Oui, Sade Beaumont. Sade Beaumont, martyrisé par George Stark. Et ce qui est assez fabuleux dans Bag of Bones, Sac d'Os, c'est que je crois qu'à la page 30, on dit que Sade Beaumont s'est suicidé. Et ça rappelle l'épilogue finalement de La Part des Ténèbres où à contrario du film qui se termine sur un happy end, dans l'épilogue Sade Beaumont dit que jamais rien ne se finit bien. Donc là il y a une filiation très forte aussi Sac d'Os, La Part des Ténèbres qui me semble importante, et aussi, et je répète encore, une filiation avec Dead Zone, parce que exactement comme la période de coma de John Smith, 4 ans et demi. Donc, qui est le héros de Dead Zone. Voilà, qui est le héros de Dead Zone. Pendant 4 ans et demi, vous avez ici Mike Noonan qui n'arrive pas à écrire. Oui, effectivement, c'est un roman sur la page blanche, sur cette espèce de gel de l'inspiration, et même au-delà de l'inspiration, des capacités écrivantes, rédactionnelles de l'auteur. La tragédie de l'écriture, à la fin du roman, ces pages de son roman qu'il était en train d'écrire, Mon ami d'enfance, n'existent plus. Et il dit qu'il ne veut plus écrire, qu'il va poser sa plume de préposé aux écritures. Jean-Baptiste Torré. Oui, moi je pense surtout évidemment à Jack Torrance hein, dans Shining, qui est probablement le syndrome de l'écrivain devant la page blanche, avec cette phrase unique qui tape sur une machine, qui est « All make play, make Jack a dull boy », donc ensuite incarné par Nicholson dans Shining. Et moi ce qui me plaît aussi dans King écrivain, enfin ce qui m'interpelle plutôt, c'est tout le travail qu'il fait de réflexion sur son propre art, c'est à travers les deux essais d'anatomie de l'horreur, tout ce qu'il raconte de lui-même, avec des phrases qui évidemment posent problème, c'est-à-dire qu'on sent que King a une forme de recette, de formula qui va appliquer. King, c'est évidemment quelqu'un, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 100 millions de lecteurs. Alors ça me fait penser à cette phrase du guitariste de Sting, de Police, qui arrive sur MTV, on lui demande « Êtes-vous toujours rebelle ?» Et le guitariste de Sting répond, de Police répond de façon très, très ironique et intelligente « Comment voulez-vous être rebelle quand vous passez tous les soirs sur MTV ?» Je pense qu'il y a un peu de ça chez King, c'est-à-dire un espèce de d'écrivain extrêmement conscient de la fiction, de l'état d'Amérique, parce que lui parle très très souvent de la façon des différents états d'Amérique et de ce que c'est que la fonction d'écrivain. Il se définit lui-même en parlant de l'écrivain d'horreur comme un agent du statu quo. Il est un super, à mon avis, sismographe de ce que c'est que l'histoire de l'Amérique, l'Amérique du tabou, de l'abjection. Le personnage de Carrie, Laurent Bourdier parlait de la trilogie féminine. Moi, je pense qu'un des plus beaux personnages féminins de Stephen King, c'est évidemment Carrie. Et c'est aussi, à mon avis, un écrivain qui, quand on vend 5 millions d'exemplaires, on est forcément quelque part un peu conservateur. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que lire King, c'est comprendre l'Amérique aujourd'hui. Martin Pierre. Oui, on parlait d'écrivains, de double écrivains, Stephen King, Richard Bachman, et je crois que même Stephen King, il y a un double personnage, parce que quand on parle d'anatomie de l'horreur, quand on regarde, quand on lit et qu'on connaît les références nombreuses qui sont citées dans le livre, sont des classiques du cinéma bis, voire Z américain. Or, on sait très bien, King, qui est assez peu dissert en interview, se garde bien de citer Bergman et Godard, qu'il connaît parfaitement. Et on a un personnage, en fait, qui se cache néanmoins derrière des références qui sont quand même des références de genre. Et moi je crois que Stephen King, c'est même plus un écrivain fantastique, c'est pas un écrivain d'horreur ni d'épouvante, c'est un écrivain naturaliste. Oui, ça, Jean-Daniel, c'est un thème dont on a souvent parlé, des influences naturalistes, Sinclair Lewis, oui. Theodore Dreiser dans l'œuvre de King. Tout à fait, mais là je voudrais rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Le rôle de l'écrivain en tant que personnage dans l'œuvre de Stephen King, il est multiple. C'est-à-dire, beaucoup de commentateurs américains lancent des cris d'alarme depuis quelques années. Ils s'aperçoivent que le public américain mélange, confond la fiction et la réalité. Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure sur la responsabilité de l'écrivain chez Stephen King. Il s'aperçoit, peut-être pas forcément chez ses lecteurs, sauf chez une frange déjantée, une lunatic fringe, mais que les consommateurs américains, consommateurs de spectacles, de films, de CD-ROM, etc., vivent dans un univers complètement fantasmé. Et lui-même s'inquiète là-dessus, et il en joue aussi. Bon, il est peut-être encore trop tôt pour en parler, puisque le livre vient juste de sortir aux États-Unis, mais en lisant Hearts in Atlantis, son dernier roman recueil, on ne sait pas très bien ce que c'est, on s'aperçoit que de plus en plus, il fait référence à une sorte d'univers mythologique. C'est l'univers de la tour sombre, c'est l'univers des régulateurs qui a de plus en plus d'interférences avec le nôtre, déjà senti dans Rosemadère. Et cet univers serait gouverné par un démiurge qui s'appelle le roi écarlate, The Crimson King. Alors on se demande où ils vont en venir. J'ai l'impression que Stephen King est en train de nous concocter une grande cosmologie où lui-même est au centre de tout. Justement, il a une conception pour un écrivain populaire. C'est vrai qu'il tient des propos à la John Wayne. Je n'écris pas pour ces esthètes décalantes de Greenwich Village, mais pour les braves gens du Middle West. Enfin, quand même, dans Sackdos, il cite abondamment Bartleby, l'écrivain. C'est vrai qu'il a une culture secrète. Hein. Et puis, il a quand même cette conception, je dirais, rimbaldienne ou hugolienne de l'écrivain. Rimbaud disait, l'artiste sera en avant. Bah, King, il est un peu en avant du peuple américain. Il est responsable des gens qui sont derrière lui. Donc, quand il fait une bêtise, c'est comme le chien de traîneau de Céline. Si le chien de traîneau va vers le gouffre, eh bien, tout le traîneau y va. On a l'impression que King reprend un peu, sans le dire, la métaphore du chien de traîneau de Céline et se sent responsable de l'Amérique. Laurent Bourdier. Tout à fait, mais je crois, alors, en plus que vous citiez, c'est-à-dire ce besoin d'un côté d'être reconnu par un public, par une frange du public assez large, cette critique assez ouverte qu'il a envers les universitaires, les intellectuels, et en même temps, je crois qu'il a quand même souffert un certain, pendant très longtemps, du manque de reconnaissance d'une certaine élite intellectuelle, même si, sans que ça n'ait rien de péjoratif. Je veux dire par là qu'il a obtenu, il y a 2 ans de cela, il me semble, le prix de la meilleure nouvelle du New Yorker. Jean-Daniel, tu peux peut-être... Il a obtenu le O. Henry Award, voilà, pour une nouvelle parue dans le New Yorker. Voilà. Bon, qui est un des prix littéraires les plus prestigieux, et à aucun moment il lui est venu à l'idée de le refuser. Je veux dire par là qu'il a quand même besoin de cette reconnaissance. Bon, là, faire tout un tas de références à Rebecca, c'est pas un hasard non plus. Manderley est cité abondamment. Voilà. Dans le collectif que vous avez dirigé, qui sera publié au Céphale, Guy Astic, il y en a un article qui se détache, celui de Sophie Rabault, sur justement le statut d'écrivain de King. Et on se rend compte que cette ultra-populiste proclamée finit par, en définitive, être un agent masqué de la postmodernité, de la métafiction. Sophie Rabault assume ces mots-là, mais je veux dire par là qu'elle a tout à fait raison. Et son article qui s'intitule et qui ouvre le recueil « Comment lire Stephen King » ou « La frontière effacée » est très intéressant quant à l'image de la frontière. C'est-à-dire qu'avec King, finalement, on dépasse toutes les frontières de genre, de popularité, de haute et basse culture aussi. C'est très important de voir comment ici, en ouverture de son roman, il cite Herman Melville, il cite Rebecca de Daphné du Maurier, et pour une fois, il ne cite pas le rock ou autre. Il se livre même une exégèse de Bartleby, ce qui est le fin du fin en matière de... Tout à fait, et il termine son roman par une référence à Bartleby. Donc, métafiction... Postmodernité, je n'irai pas jusque-là. Ce sont des mots qui, à mon sens, sont très importants. Sophie Rabault a raison de vouloir les mettre en avant pour essayer de récupérer une certaine critique qu'on doit faire actuellement sur King. Ça, c'est important. Au niveau, arrêtons de le mettre à côté. Et c'est un grand raconteur, c'est un grand narrateur. Alors, quitte à passer par des catégories qui parfois sont tangentes vis-à-vis de King, quand même, autant le faire. Alors, pour que nous puissions apprécier cette narration, eh bien, il faut des traducteurs. Merci, messieurs. Et justement, les méditations de l'un d'eux, François Lasquin, sur traduire King au micro, de Jean-Yves Bochet. Stephen King a une particularité, c'est une forme de jactance qui lui est assez particulière. Il a beaucoup d'oreilles. Il peut reproduire des langages assez variés. Alors, dans Christine, il y avait un problème stylistique impossible parce que c'est un livre où les deux parties, si je me rappelle bien, sont toutes les deux racontées à la première personne par deux adolescents à problème, avec leur langage, des adolescents de 17 ans. Et en plus, c'est un livre qui fait quelque chose comme 700 pages. Hein. C'est à jet continu. Moi, c'est une chose à laquelle je n'aurais pas voulu me frotter. D'ailleurs, j'avais refusé de le traduire, pour dire la vérité, parce que je me sentais pas capable. Et je suis un peu... je suis en train d'en faire un en ce moment qui est conçu un peu de la même façon. Il n'est pas la première personne, mais c'est du style stream of consciousness, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est tout seul et il y a le flot de ses pensées et sa manière de parler. Puis, alors, c'est une petite fille de 9 ans, c'est absolument une catastrophe pour le traducteur, c'est un piège, c'est complètement casse-gueule, c'est affreusement dur. Pourtant, Stephen King n'est pas un écrivain très raffiné, il le dit lui-même d'ailleurs, il écrit un peu au fil de la plume, il y a des répétitions, c'est un peu n'importe quoi, mais par moments, c'est vraiment très très difficile. Et ça s'est accentué depuis quelques années parce qu'il essaye un peu de sortir des limites de son genre, parce qu'il veut entrer dans ce qu'il appelle le mainstream, c'est-à-dire ne plus être prisonnier de la catégorie dans laquelle il est enfermé. Alors il élargit, et puis il change sa manière d'écrire parce que c'est aussi un homme qui lit beaucoup, qui aime un certain type de littérature. Par exemple, on ne penserait pas forcément à ça, mais son écrivain préféré, je crois, est Jim Thompson. Alors, on voit Jim Thompson transposé dans King. Enfin, le traducteur ne s'amuse pas du tout. Et alors, celui sur lequel je travaille, on pense beaucoup à Judy Blume, qui est une femme écrivain qui écrit pour les petites filles, mais qui a vraiment une écriture assez magique. Je sais qu'il l'adore. On reconnaît des traits de Judy Blume. Moi, je trouve ça extrêmement difficile. Jean-Daniel, est-ce que c'est extrêmement difficile de retraduire ce que François Lasquin appelle la jactance de King? Je me suis déjà exprimé sur ce sujet par écrit. C'est effectivement un exercice de funambulisme complètement redoutable. Parce que là, il y a une solution de facilité, c'est de faire de la mauvaise série noire. Et c'est trahir l'auteur. Bon, et que King écrive mal, moi je ne suis pas d'accord. Je pense que King, depuis le début de sa carrière, on s'en aperçoit maintenant avec le recul, a constamment essayé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire d'être en même temps un écrivain populaire, lisible par tout le monde, et de rajouter, je m'excuse d'employer des termes comme ça, mais rajouter une plus-value, une couche de sens, et plusieurs couches de sens maintenant, de façon à satisfaire l'intellectuel, l'érudit, l'amateur de fantastique, l'amateur de bons livres. Et c'est vrai que son style peut déconcerter, c'est vrai que mais c'est à tout à son honneur, je pense, que de dire qu'il est difficile à traduire. C'est une tâche qui est d'autant plus exaltante. Et The Girl Who Loved Tom Gordon, que François Lasquin est en train de traduire, est effectivement un exercice périlleux. C'est pas la première fois que King, un peu à la manière de l'Oulipo, semble se donner à lui-même des défis. Bon, un roman avec un seul personnage enfermé dans une chambre pendant toute la durée du bouquin, c'était Jesse. Un monologue, monologue de la sortant de la bouche d'une vieille femme du Maine, c'était Dolores Claiborne. Je pense que on peut lui en être reconnaissant, parce que, vu le statut qu'il a atteint à l'heure actuelle, il pourrait se contenter de rabâcher, de radoter, et il ne le fait pas. Donc, en toute amitié, je dis à François Lasquin, vous devriez être content. Alors, à l'intérieur de Sac d'Os, la narration, le récit, tout s'organise autour d'une sorte de soleil noir, on en a déjà parlé, qui est ce vieil industriel électronicien Max Divor, qui est à la fois la figure du mal et l'image un petit peu de tout ce qui peut être nocif dans le monde. C'est un excellent préambule, justement, pour interroger la figure du mal chez Stephen King. All right, mother, all right. Just a minute, I'm coming. Mel? What? What's the old Mel? Oh. I hear, what is it? What is it? What was your pounding? Alors, Laurent Bourdier, le figure du mal prend chez Stephen King un écrivain très ancré dans la Nouvelle-Angleterre, donc l'héritier de ces gens hantés par le mal, qui étaient les brûleurs de sorcières de Salem, qui était ce grand prédicateur millénariste qui s'appelait Jonathan Edwards, qui était Nathaniel Hawthorne, qui était Lovecraft. Donc cet héritier de tout cette espèce de terreau intellectuel noir qui est celui de la Nouvelle-Angleterre, il a donné au mal dans ses romans des aspects très très différents. Il y a à la fois le double fictionnel dans La Part des Ténèbres, il y a Randall Flagg, l'homme noir dans Le Fléau, et puis même il y a le principe mauvais dans ça. On est avec King sous forme d'une espèce de polymorphie permanente du mal. On ne sait jamais d'où vient le mal. Oui. Quelle forme il va avoir. Tout à fait. Mais en même temps, je crois que King est avant tout un raconteur du mal quotidien et du mal que peuvent se faire les petites gens. Et s'il utilise aussi, on parlait tout à l'heure des petites villes qui décrit si bien, ces petites villes du Maine, c'est aussi parce que tout le monde se connaît et que le moindre petit bruit ou la moindre petite faute des uns ou des autres prend de suite un retentissement complètement fou. Alors évidemment, on passe à Bazar. Un bazar, c'est un gérant de... Voilà, et la ville finit par exploser. C'est vrai que c'est un mal extérieur qui vient, qui est déclencheur en fait, qui est le feu qui va allumer le bâton de dynamite, mais le mal est déjà présent, et je crois que c'est tout à fait le cas dans Sac d'Os, c'est-à-dire que Max Devory, qui était parti pendant une trentaine d'années, que les habitants n'avaient plus vu, vient récupérer sa petite fille et fait ressurgir en même temps tout un tas de fantômes, mais qui sont restés sous-jacents pendant ces 30 années et tout le village est impliqué. Oui, parce que Max Devory, c'est un peu la figure comme ça traditionnelle, emblématique du mal, le vieux monsieur. Non, je vais lire bientôt une description, mais il y a également le crime collectif, Jean-Daniel Breck, puisque tous ces gens-là qui sont là, vaqués à leurs occupations, les bons habitants du Maine, eh bien, ils ont un sac d'os sur la conscience. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Stephen King, lorsqu'il disserte sur le fantastique, notamment dans Anatomie de l'horreur, il distingue deux différentes sortes de mal. C'est le mal intérieur, celui qui vient de la psychologie des personnages, celui qui vient de leur petite enfance, de leur traumatisme, etc. Et le mal extérieur, la menace surnaturelle. Et bien souvent dans son œuvre, dans ses romans, on trouve une dialectique entre les deux. C'était déjà présent dans Salem, où il y avait la menace extérieure du vampire qui entrait en résonance avec la petite ville de Salem, ses secrets enfouis, ses traumatismes, etc. Et à cet égard, c'est un des nombreux intérêts du livre, Sagdos, une réussite absolument exemplaire, où le mal intérieur et le mal extérieur se répondent, se correspondent constamment. Se frottent l'un l'autre, pour un peu comme les silex qui font jaillir l'étincelle. Et à la fois au niveau collectif, au niveau de la ville, et au niveau individuel, au niveau du personnage. Le fantastique, disait Joël Malrieu, c'est la rencontre d'un personnage et d'un phénomène. Et là, c'est un exemple parfait. Cette histoire n'aurait pas pu arriver à quelqu'un d'autre que Mike Noonan. Pour quelle raison ? Eh bien, Stephen King nous les explique dans le livre. Gastic. J'aimerais enchaîner sur le propos de Jean-Daniel Breck. Ce qui est intéressant, c'est cette façon que King a de tisser le mal surnaturel, la surnature, et le mal humain, et faire des passerelles. Moi, j'avais relevé une petite phrase qui me plaît beaucoup dans Sagdos, c'est « Dans les petites villes, les choses sont plus ou moins reliées sous la surface. » Et on a constamment, dans Sagdos, cette idée de « sous la surface, la réalité est mince ». Tout ce qui est enfoui peut à tout moment ressurgir. Et le mal est là. Et c'est pas étonnant que ça aboutit dans ce roman-là à une apocalypse totale de la nature. Mais parce que c'est à la surface, on exhume à la surface tout ce qui pourrit de l'intérieur dans cette ville. C'est vrai que le monde extérieur dialogue avec les personnages dans ce roman. Il y a la maison hantée, dont on peut pas parler à fond, puisque effectivement c'est un sujet important. Il y a la fameuse maison où va se réfugier Noonan, est une maison hantée qui parle avec lui, qui n'arrête pas de bruire, de résonner. Ouais. Il y a des cris dans la cave. Et puis à la fin, il y a la gigantesque tempête. C'est la réponse du Maine, d'une certaine façon, au crime de ces... Et tout se désagrège exactement comme dans La Tempête du siècle. Dans La Tempête du siècle, l'enjeu est de donner un enfant. Il y a ceux qui s'opposent à donner cet enfant et ceux qui veulent le donner pour se sauver eux-mêmes. Et c'est la même chose. Tout se désagrège et tout se termine dans une tempête cataclysmique. Donc ça, moi je trouve que la force de King est à la fois de ne pas évacuer l'argument surnaturel, mais de l'intégrer dans un fantastique humain, trop humain, parfois dégueulasse. Jean-Daniel. Plus un autre élément qui a son importance, je ne voudrais pas employer les mots de paysage ou de décor, c'est la terre. La terre, on n'est pas du tout dans le décorum. Le lieu, la terre, le terroir, est aussi un personnage intégrant de Sagdos. Bon, ça se voit de multiples indices, notamment la façon dont il fait résonner les oiseaux, le lac, la forêt, les arbres, etc. C'est assez extraordinaire. Ce sont des acteurs, au même titre que les personnages. Alors dans Sagdos, il y a effectivement deux personnages noirs, un homme et une femme. La femme, c'est Rogette Whitmore, qui est l'âme damnée de Max Devory, qui fait penser d'ailleurs à la personnage qu'il y a sur le tableau de Munch, le cri. Et puis il y a Max Devory, qui croise d'ailleurs Patrick Noonan à un moment. C'est la scène centrale, le face-à-face entre le héros et cette espèce d'incarnation du mal qui est Devory. Et puis le portrait qu'en donne Stephen King, effectivement, est impressionnant. Vieille et laide, cette femme était cependant une beauté comparée au beau-père de Matty, Max Devory. Maigre à faire peur, les lèvres bleues, la peau d'une nuance de violet tirant sur le noir autour des yeux et aux commissures des lèvres, il avait l'air du genre de truc que les archéologues trouvent dans les chambres mortuaires des pyramides, entouré de ses femmes et de ses animaux favoris momifiés, ornés de ses bijoux préférés. Quelques rares mèches de cheveux blancs s'accrochaient encore à son cuir chevelu écailleux. Des touffes de poils surgissaient de ses énormes oreilles, lesquelles donnaient l'impression de sculptures en cire qu'on aurait partiellement laissé fondre au soleil. Il portait un large pantalon en coton blanc et une ample chemise bleue, ajoutait à cela un petit béret noir, il aurait pu avoir l'air d'un artiste français du siècle dernier à la fin d'une très longue vie. En travers de ses genoux était posée une canne en bois noir. Elle se terminait par une poignée de bicyclette en caoutchouc rouge vif. Les doigts qui s'y agrippaient paraissaient avoir de la force, mais il prenait la nuance noire de la canne. Sa circulation sanguine se dégradait et je préférais ne pas imaginer de quoi ses pieds et ses jambes avaient l'air. De Max Difori dans Sac d'os de Stephen King. Jean-Daniel Breck. Oui, ben, je voulais souligner quand même, puisque nous avons entendu François Lasquin qui est en train de traduire le prochain Stephen King, que celui-ci est traduit par William Olivier Despond, qui a fait un travail remarquable. Alors, Stephen King, nous parlons là de littérature depuis presque 38 minutes, mais il y a également un point important, on va en reparler rapidement à Jean-Baptiste Torré, c'est le rapport entre King et l'image, puisque King a été a été l'objet d'une OPA bénéfique dès le départ de la part des gens du cinéma. Et si on jette un coup d'œil à la liste des réalisateurs qui n'ont pas attendu qu'il soit très très très célèbre, mais qui ont bien pu aider à sa célébrité pour l'adapter, eh bien on trouve Brian De Palma, Cronenberg, Carpenter, Kubrick, Romero, Tom Hooper. C'est carrément la charte cinématographique de l'horreur contemporaine. Mais ce qui est très intéressant dans le problème, dans les rapports de King et du cinéma, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que King s'intéresse beaucoup au cinéma. C'est qu'en fait, il en fait même un de ses leviers de référence. La nuit mort vivant, par exemple, qui n'arrête pas de citer, La féline de Tourneur, Massacre à la tronçonneuse, est un de ses films cultes. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, Stephen King se trouve finalement à faire le grand écart permanent entre d'un côté une conception issue de la contre-culture, parce qu'il faut quand même pas oublier que King arrive à l'époque de l'assassinat de Kennedy, de Robert Kennedy. De Wade 65, du Vietnam, donc il est en pleine époque où se repense complètement ce qu'on pourrait éventuellement appeler l'idée du chaos, à savoir que ce qui préside maintenant à toute fiction, c'est une sorte de chaos latent et sourd. Donc King est évidemment de ce côté-là, et s'il avait la mort vivant, c'est pas pour rien, mais c'est aussi un auteur qui organise des fictions pouvant être lues par le plus grand nombre. Donc il est évident qu'il y a cette espèce de stratégie permanente de grand écart qui est d'un côté, je suis un progressiste, ce qui va permettre à la limite des cinéastes comme De Palma, Carpenter, et Kubrick d'être attiré par son récit, mais en même temps, quand ces cinéastes-là prennent les romans de King, très souvent ils les réduisent, ils les inversent, ils les travestissent, ce qui déclenche très souvent la colère de King. On sait les rapports que King a eu avec Kubrick qui n'a même pas daigné l'appeler pour essayer de faire le script de Shining, Dian Johnson, co-scénariste de Shining, déchirant allègrement les pages du roman, considérant que c'était un roman poubelle mais qui avait un grand sujet, mais que cet écrivain décidément ne savait pas écrire. Donc évidemment King allait intéresser beaucoup de cinéastes, De Palma, il y a qu'à prendre l'exemple de Christine que Carpenter réalise en 84. Il est évident que d'un côté, on a un roman qui fait de toute l'ambiance rock quelque chose d'un peu diabolique. Carpenter change complètement son fusil d'épaule. Il dit lui, moi, ce rock-là, c'est l'esprit rebelle. C'est ça qui m'intéresse. Donc il y a toujours cette façon dont King sera travesti par les auteurs et souvent à son plus grand âme. Alors parlons maintenant non plus de cinéma mais de bande dessinée avec la réédition chez Albin Michel, Martin-Pierre Baudry des Contes de la Crypte. En effet, quand les Contes de la Crypte sont sortis aux États-Unis, Stephen King avait une petite dizaine d'années. Fort à parier qu'il les a lus. Oui, il les a lus. De toute façon, on le disait, il s'est toujours référé à ce qui est le plus populaire dans la culture américaine. Et évidemment, la bande dessinée tient une place de choix dans son panthéon de valeurs personnelles. D'ailleurs, il a travaillé, avant de parler des Contes de la Crypte et des Horror Comics, il a travaillé avec un des grands dessinateurs américains contemporains, qui est Bernie Wrightson. Bernie Wrightson, qui est l'héritier lui-même des Horror Comics, puisque c'est le créateur, un des deux créateurs de Swamp Thing, la créature des marais. Il a signé une superbe adaptation graphique du Frankenstein de Mary Shelley, d'ailleurs je crois préfacé par King. Tout à fait. Et ensuite les deux se sont rencontrés sur l'année du loup-garou, où là Bernie Wrightson illustrait directement le texte de King. Voilà, je me demande, ils se sont rencontrés sur l'année du loup-garou, n'est-ce pas plutôt Creepshow? Et pour Creepshow également, voilà, puisque Bernie Wrightson, en compagnie de Bruce Jones, a fait l'adaptation bande dessinée donc de Creepshow, qui est un hommage cinématographique des bandes dessinées d'horreur, ce qui est un juste retour des choses, on peut le dire. Alors, pour l'horreur comics, aux États-Unis, il faut revenir un petit peu en arrière, parce que vous le disiez, ça commence à la fin des années 40. C'est la première grande crise que traverse la bande dessinée américaine. Disons que les super-héros n'intéressent intéresse moins le lectorat. Et c'est à ce moment-là que commence l'aventure des EC Comics. Alors évidemment, au début, pas grand-chose de très excitant, puisque EC Comics, EC, ça veut dire Educational Comics. C'est une firme qui se spécialise dans l'adaptation en bande dessinée de la Bible, de fables animalières. Ah, oh, la Bible, vous savez. Oui, mais enfin traité... On peut en sortir des comics. Traité par Max Gaines, c'était pas... toujours ce qui intéressait le plus les kids de l'époque. Dieu merci, le fondateur de la firme décède accidentellement et c'est le fiston qui va reprendre les rênes et là qui va faire subir une orientation radicale à son héritage puisque ici Comics devient, il a cette idée géniale de créer d'une part donc des bandes dessinées de science-fiction adolescentes. C'est Weird Fantasy, bon, et surtout ce concept des horror comics. Il va reprendre l'équipe de jeunes dessinateurs qui avait constitué son père pour une série de magazines. Alors on a The Crypt of Terror qui deviendra au quatrième numéro, donc Tales from the Crypt, également Vault of Horror, The Haunt of Fear, trois magazines au sommaire desquels donc on retrouve vraiment les meilleurs dessinateurs de l'époque. Graham Ingalls qui est le dessinateur donc du Gardien de la Crypte, de la Sorcière et compagnie, également Wallace Wood, Al Williamson, et puis donc le fameux Jack Davis, dont Albin Michel réédite une partie de l'œuvre. Quatre volumes. Voilà, quatre volumes actuellement. Ce qui est extraordinaire dans ces bandes dessinées, c'est que d'une part le dessin est très très bon. Jack Davis est à la fois un dessin naïf et complètement torturé, surchargé de traits, dans un noir et blanc très très beau. Et puis alors sur le fond, c'est ni plus ni moins que la résurgence de l'esprit pulps créé 30 ans auparavant. Ce sont des histoires courtes qui font 8 pages maximum. Et avec cet art de la chute qui fait mal, la chute grinçante, grimaçante. Oui, il y a un humour chez Jack Davis. C'est aussi de l'adaptation en bande dessinée des textes et de l'esprit de Robert Bloch, de Richard Matheson, de Ray Bradbury. Je vais vous poser une question. Est-ce que selon vous, il y aurait eu des infiltrations secrètes du Grand Guignol? Parce qu'il y a quand même dans ces récits courts d'un macabre et d'un gore, enfin le mot n'est pas encore invité à l'époque, mais enfin affiché, est-ce qu'il n'y aurait pas des infiltrations, des contacts avec le Grand Guignol? Avec le Grand Guignol, peut-être, mais enfin subliminaux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le gore de Herschel Gordon Lewis, visiblement, est aussi en réaction, enfin accompagne aussi la tradition des horror comics. Je parlais de résurgence des pulps, de l'esprit pulps, à ceci près qu'on est loin quand même de l'horreur cosmique de Lovecraft. Et c'est là où effectivement on rejoint Stephen King, Jack Davis et Stephen King, c'est un petit peu le même combat. C'est dans son Anatomie de l'horreur, d'ailleurs Stephen King cite explicitement Jack Davis, en particulier une histoire qui s'appelle Full Play, une histoire à base de baseball sanguinolent, qui visiblement l'a bien marqué. C'est vrai que ce sont toujours des récits tirés du quotidien. Voilà, exactement. Le plus prosaïque. Ce qui les rapproche, c'est peut-être tous les deux leur origine provinciale. Jack Davis est originaire de l'Arkansas, bon, Stephen King le Maine, et tous deux illustrent ce côté, le côté obscur, le côté sombre d'une Amérique profonde. À l'inverse, peut-être c'est Norman Rockwell qui illustre lui le versant lumineux. Que Laurent Bourdier compare pourtant à ouais, Stephen parce King. Que je crois qu'il est. Ouais, je sais. Mais c'est tous les deux des illustrateurs de l'Amérique voilà, profonde. Ouais, voilà. Mais simplement, eux ont choisi quand même des approches divergentes. L'un va approfondir les ténèbres. Rockwell, c'est quand même la lumière. Oui, mais je crois que les deux arts sont différents. Jean-Daniel? Jean-Daniel Breck. Donc, je pense que dans le cas des EC Comics, c'est effectivement très frappant de voir que Jack Davis est la campagne, Johnny Craig la ville, quoi. Alors, Pierre. Pour revenir justement à l'histoire de EC Comics, disons que le succès en fait était de courte durée, ou du moins que la rançon du succès a été presque immédiate, puisque à l'époque le Sénat américain se préoccupe énormément de délinquance juvénile. Il y a une association, les Movers of America, et puis la parution d'un livre, Seduction of the Innocent, par un psychiatre, le docteur Vertam, qui ni plus ni moins déclare la guerre donc aux bandes dessinées et en particulier aux bandes dessinées d'horreur. En fait, ce brave docteur s'était rendu compte que dans les maisons de correction américaines, les pensionnaires lisaient des bandes dessinées. Donc CQFD, la bande dessinée, est à l'origine de la violence. Tout ceci donc qui va aboutir à la promulgation d'une loi en 54, donc à peine 3 ans après le début des horror comics. C'est le fameux Comics Code Authority qui non seulement va interdire la violence, la nudité dans la bande bande dessinée, mais surtout va même interdire, jusqu'à interdire l'emploi de certains mots, comme les mots comme horreur, aurore et terror. Et on voit là évidemment que les horror comics sont directement concernés, et du Comics Code Authority, bien le horror comics ne s'en relèvera jamais. Alors William Gaines, le père le père des horror comics, va tenter une reconversion dans la bande dessinée de pirates, ce sera Piracy, mais ça va pas tellement marcher. En fait, tous ces grands dessinateurs vont se retrouver dans le magazine Mad, et avec reprendre cet esprit d'humour grinçant, mais sans le côté horrifique. Les Contes de la Crypte de Jack Davis, 4 tomes donc, parus aux éditions Albin Michel. Alors on ne peut pas vous offrir Laurent Bourdier, Guy Estique, Jean-Baptiste Torré, d'entretien avec Stephen King qu'on aurait pu faire par téléphone. Malgré tout, Laurent Bourdier, on peut offrir la musique, Stephen King, chanteur, ça on peut le faire. Voilà, ben c'est une des autres facettes de son talent, mais il dit qu'il n'a que très peu de talent pour ça. Il fait partie d'un groupe depuis maintenant 3 ou 4 ans qui s'appelle les Rock Bottom Remainders. Ils ont eu la chance de faire une tournée américaine avec des gens comme Matt Groening. Guyastique, alors on va entendre. Qu'avez-vous choisi donc parmi le répertoire de Stephen King, guitariste chanteur? Un extrait évidemment qui tombe sous le sens de Stand By Me, la chanson titre. This is where it all begins. When the night has come, the land is dark and the moon is the only light we'll see. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand. Les gens méchants disent que Stephen King qu'on entend, qu'on vient d'entendre, chante comme Metallica écrit. Vous pensez Guyastique de cette phrase qui n'est pas de Stephen King? Avec ce qu'on vient d'entendre, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça assez convaincant malgré tout. Jean-Baptiste Torré, alors, cinéma. On va faire une douce transition en parlant un petit peu de DVD. Restons encore un peu dans l'espace kingien, oui. Voilà, donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas complètement le DVD, donc la zone 1, c'est de l'import venant des États-Unis. Nous, on appartient à la zone 2, donc pour avoir des bons films, il faut aller zone 3, chercher. Ça zone 3, je sais pas, il y a 6 zones. Hein, le monde est découpé en 6 zones. On appartient à la zone 2 avec le Congo, face donc aux États-Unis et au Canada. Donc les États-Unis, évidemment, après la mort de Kubrick, la sortie d'Eyes Wide Shut, ont eu l'idée, la Warner surtout, avec laquelle Kubrick avait un contrat exclusif depuis 2001-68, de se précipiter pour sortir coffret extra, etc. sur Kubrick. Et dans ce coffret, donc globalement assez médiocre, parce que la qualité d'image n'est pas bonne, la famille Kubrick a attaqué la Warner, et qui promet dans un an de ressortir des copies avec des masters originaux dignes de ce nom. Donc évidemment, grand inconditionnel que je suis de Kubrick et de Shining, je me suis prêté sur le DVD Zone 1 de Shining. Alors, deux surprises évidemment. Première chose, le film fait... Il faut dire que l'intérêt du DVD, c'est qu'à la différence de la vidéo, il offre, avec la longueur qu'il propose d'informations sur ces 7-8 heures, il propose autre chose que le film. Voilà, une série d'extras, de bandes-annonces supplémentaires, de storyboards, qu'en France, on n'a pas encore compris, puisqu'on décide au passage à la France de tout supprimer, mais c'est possible. Alors, moi, le DVD dont je vais vous parler vient des États-Unis, donc DVD import zone 1, Shining. Alors, je prends le DVD zone 1, et qu'est-ce que je vois? 144 minutes. Alors, moi, j'étais habitué à avoir une version de Shining qui faisait 119 minutes. Donc, alors, c'est le grand père de la redécouverte d'un film qu'on connaît par cœur et pas du tout. Moi, j'ai vu Shining avec 19 minutes de plus. 19 minutes supplémentaires où on comprend pourquoi est-ce que Shelley Duvall a une espèce d'antipathie envers Jack Nicholson. On comprend que Jack Nicholson a cassé le bras de Danny Lloyd. Une espèce de psychiatre vient ausculter Danny Lloyd. Enfin, une série de zones d'ombre qui effectivement posaient problème dans le film de Kubrick sont éclaircies. Shelley Duvall, à la fin, se retrouve dans le salon Colorado devant une espèce de parterre de cadavres qui cite à la fois la fin de Psychose. Alors là, on a évidemment Shining enfonce le clou dans sa référence à Psychose. Donc voilà, déjà, premier intérêt de ce DVD, 19 minutes supplémentaires. ce qui est quand même extraordinaire. Hein. Deuxième chose, un extra. Donc l'extra, à mon avis, essentiel de ce DVD, c'est le Making of Shining, c'est-à-dire le seul document de travail sur le tournage existant sur Kubrick. C'est qu'on n'a jamais vu des images de Kubrick en train de filmer, de ses premiers Killer Kiss, Fear and Desire, Dr. Follamour, jusqu'à Eyes Wide Shut. Donc c'est 34 minutes, les seules qu'on peut voir aujourd'hui sur Kubrick en train de travailler. Alors, évidemment, Kubrick en train de travailler, à la caméra, Kubrick au cadre, Kubrick sur un travelling, c'est rien d'autre qu'un cinéaste comme un autre en train de travailler. Donc évidemment, il faut pas s'attendre à des révélations formidables. Bon, mais par contre, il y a deux trois petites touches extraordinaires. Il y a la mère de Kubrick venant sur le tournage et demandant à Nicholson de lui expliquer ce que les différentes couleurs du script, à quoi ça correspond. On voit Nicholson cabotin à la fois pendant les prises et hors des prises. C'est-à-dire que c'est Nicholson conforme à son image. Il se brosse les dents, il est Jack Torrance. Il discute avec Shelley Duvall, il est toujours Jack Torrance. Donc on voit un Jack Nicholson à la fois extrêmement charismatique, qui concentre toute l'attention du tournage sur lui, ce dont se plaint Shelley Duvall que Kubrick avait remarqué dans les films d'Altman, qui elle dit toujours la voix un petit peu chevrotante, engueulée par Kubrick toute la journée parce qu'elle joue mal, et Kubrick il la pousse à bout. Elle dit, vous savez, effectivement Nicholson, beaucoup d'attention pour lui, mais j'aimerais bien en avoir aussi, même ça m'empêche pas de travailler. Et puis on voit plusieurs choses, dont la venue de James Mason, que Lolita, que Kubrick avait fait tourner sur Lolita avec sa famille, venir visiter les Kubrick sur le tournage de Shining. Donc évidemment, à voir le DVD de Shining en zone 1. Zone 1, pas Congo. Alors, autre élément kubricien en ce moment. Voilà, donc tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on est à 3-4 jours de la sortie de Eyes Wide Shut. Évidemment, pour le spectateur, c'est essayer d'arriver de façon vierge, c'est-à-dire avec l'esprit prêt à la découverte pour aller voir Eyes Wide Shut. C'est devenu impossible. Maintenant, on n'ira pas voir le film, on ira vérifier que le film est chiant ou pas chiant. Donc chacun se fera une idée, qu'il y a des scènes de sexe ou pas, que Tom Cruise se dénude, que Nicole Kidman aussi. Donc on a une série d'attentes comme ça qui évidemment, à mon avis, gâcheront tellement de plaisir. Moi j'ai eu la chance de voir le film au début du mois d'août. Alors Eyes Wide Shut, donc c'est évidemment le 13e et dernier film de Stanley Kubrick. On peut penser, quand on le voit, que Kubrick savait qu'il faisait son dernier film et que son projet sur l'intelligence artificielle que finalement tournera Spielberg. Alors bon, finalement dommage, enfin Spielberg tournera l'intelligence artificielle. Quand on voit Eyes Wide Shut, qui donc se passe à New York aujourd'hui, adapté d'une nouvelle de Schnitzler, hein, Traumann Novel, donc Kubrick transpose ça de Vienne à New York, le Manhattan un petit peu de la jet set, très huppé, et raconte l'histoire d'un médecin joué par Tom Cruise et de sa femme, passant de soirées finalement un petit peu baroque, pute de service, cabinet psychiatrique le lendemain, enfin la petite vie de l'habitant classique de Greenwood Village. Un jour ils se retrouvent tous les deux dans leur chambre et puis Kidman lui avoue qu'elle a eu un fantasme il y a 2 ans à Cape Cod, ce qui est intéressant parce que c'est quand même là qu'on débarqué un jour les Pilgrim's Fathers, Stephen King bien sûr, et il lui avoue qu'elle a eu un fantasme torride avec un officier de l'armée américaine. Donc là Tom Cruise dans une espèce de scénario qui finalement repense et revisite le After Hours de Martin Scorsese, part dans une espèce de longue balade nocturne à coup d'orgie, de rencontres, etc., etc. Bon, alors Eyes Wide Shut, moi je pense que c'est le dernier film de Kubrick, c'est son film testament, c'est aussi à mon avis son film le plus beau, le plus fébrile. C'est que à ceux qui ont toujours et probablement à juste titre reproché par moment le côté un peu clinicien, joueur d'échecs, posture démiurgique des films de Kubrick, regardant ses personnages d'un peu haut comme Jack Torrance devant le labyrinthe de The Shining, voyant sa femme et son petit gosse se balader comme deux petites silhouettes, deux petites figurines, là Kubrick descend sa caméra, hésite, cherche et nous propose un film finalement qui est la conclusion à mon avis parfaite de ce qu'il a toujours fait, à savoir nous sommes des esprits vieux dans des corps neufs, ce qui est l'anti finalement Crash et l'anti Cronenberg qui lui pense exactement le contraire. Nous sommes des esprits extrêmement neufs dans des corps vieux qu'il faut métamorphoser. Entre le singe de 2001, Jack Torrance dans Shining et finalement tous les personnages de Kubrick et Tom Cruise de Eyes Wide Shut, il n'y a aucune différence. Nous sommes toujours le singe préhistorique, ce que Kubrick avait finalement résumé en un seul raccord, l'os de la fin du premier épisode de 2001, lancé, fondu, enchaîné, astronef. Et ben voilà, finalement entre l'os et l'astronef, aucune différence. Quelques mots, Martin-Pierre Baudry, sur Perfect Blue de Kon Satoshi. Oui, pour moi, c'est l'événement cinématographique de la semaine. La sortie donc en salle de Perfect Blue, un film d'animation japonais. Un film doublement intéressant, d'une part, parce que je crois qu'il marque le regain officiel d'intérêt pour le dessin animé japonais en France, après des années de laisser pour compte. Intéressant également, parce que pour nous, Perfect Blue, c'est aussi directement un hommage au giallo et au maître transalpin Dario Argento. C'est vrai que le scénario est... Oui, exactement. Très Argento. On retrouve en fait tous les éléments du giallo, à savoir une héroïne, un personnage principal qui est une héroïne, une jeune fille au passage difficile entre l'adolescence et l'âge adulte, des meurtres à l'arme blanche, le fétichisme puisque cette jeune fille est une idoru, une idole, une chanteuse de groupe comme il y en a beaucoup au Japon et soumise donc à la pression des otaku, des fans. Également avec un arrière-plan psychanalytique puisque disons comme dans Profondo Rosso, l'assassin n'est pas celui qu'on croit. C'est intéressant d'un point de vue cinématographique, on peut dire que l'animation atteint un tel degré de fluidité qu'on croit parfaitement au personnage, ce qui est absolument nécessaire pour ce genre de film. Satoshi Kon, le réalisateur, est un disciple de Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira, et on peut dire que la relève est bien assurée. On parlera, Jean-Baptiste Torres, la semaine prochaine de Singapore Sling, dont on n'a pas pu parler ce soir. Stephen King va mieux, je crois, Jean-Daniel Breck. Oui, vous savez qu'il a été victime d'un accident de la route au mois de juin. Et ça va mieux. On va rassurer tous ses fans, il va beaucoup mieux. Il s'est remis à écrire et il est ragaillardi par les visites de son petit-fils, Stephen King, grand-père depuis le mois de mars. Formidable. Eh bien, je vous rappelle les ouvrages dont nous avons parlé ce soir. Stephen King, Sac d'Oche, Albin Michel. Stephen King de Laurent Bourdier chez Ancrage. Et puis, les livres de Jean-Pierre Dufresne, Stephen King, Le Faiseur d'Histoire chez Mazarine. Et puis, le collectif dirigé par Guy Astic qui va paraître en octobre aux éditions du Céphale. Merci infiniment d'avoir suivi ce mauvais genre. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 21h avec un trio de drôles de dames, lesquelles vous verrez bien. Bonsoir à tous. With all your heart and soul, just to walk away. Yeah. Maybe the bad, bad thing. Maybe the bad, bad thing. Maybe the bad, bad thing. Feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your line awake and thinking about the one you love? Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 septembre 1999. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.